Inuniziravuruno Intumanara Kanao Befamangina de Avere. LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez faire un bébé, bibliographie, lien, nous podcaster avant l'échographie ou nous réécouter à la maternité, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire, pour voir des détails de l'intérieur de la maison de la radio. Demain, deuxième étape, la clinique du lien. I'm giving you a night call to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you.